Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Allez. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Sparte Académie, une éducation guerrière. La cité de Sparte fascine dès qu'il est question de l'histoire de l'éducation sur le temps long. D'ailleurs, pour parler de ce qui est rude et sévère, notre langue a adopté un mot qui ne désigne pas seulement de charmantes sandalettes de cuir avec des lanières, non, les Spartiates. Quelle éducation pour les citoyens à Sparte. Quel rôle jouent les efforts, ces magistrats au pouvoir considérable, une éducation à la dure dans une cité militaire, ça demande beaucoup d'efforts. Les Spartiates. Eh bien, mon cher Milciade, de cette hauteur, nous découvrons Sparte, capitale d'un puissant état militaire. Peu de monuments et édifices publics, les Spartiates, ce ne sont pas les arts qui les étouffent. En revanche, regardez là, au nord, ce corps de bâtiment plat dans cet horrible style dorique. Devinez ce que c'est. Des casernes, monsieur l'ambassadeur. Et là, au nord-ouest. Mais encore des casernes. Et là, un peu plus au sud. Toujours des casernes. Il n'y a que des casernes ici. Que voulez-vous, à Sparte, tout le monde est soldat. Où mettons les soldats? Dans des casernes, monsieur l'ambassadeur. Et les chanceliers, Milciade, où les mettez-vous? Dans des chancelleries. Non. Dans des casernes. Mais il n'y aurait que des casernes à Sparte. C'est un montage radiophonique des fictions. Les casernes spartiates par Jean-Paul Simplon. Dites-nous, Nicolas Richer, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Tous les Spartiates sont-ils soldats, comme ça a été évoqué dans cette fiction? Les Spartiates sont citoyens et ils ont vocation, effectivement, à être soldats. Ils ne sont pas que soldats. Les Spartiates ont deux préoccupations qui sont la politique et la guerre. Il existe une vie politique à Sparte. Et à l'instant, il était question de Sparte envisagée comme une caserne. C'est une vision qui remonte même au IVe siècle, avant Jésus-Christ. Mais en fait, les Spartiates vivaient chacun chez soi, en tout cas à partir de l'âge de 30 ans. Et les Spartiates ne vivaient pas seulement à Sparte, ils pouvaient aussi vivre un peu partout en Laconie, et tant qu'ils ont contrôlé la Messénie, à l'ouest du Tégète, aussi en Messénie. Cette histoire, Nicolas Richer, de l'éducation à Sparte est double. Il y a l'histoire telle que peuvent l'écrire historiens et historiennes, et l'histoire telle qu'elle a été construite par la suite, c'est-à-dire celle d'une image qui se fige, voire caricaturale, et ça sur un temps très très long. Déjà dans l'Antiquité, il y a une attention portée sur l'éducation à Sparte. Oui, alors effectivement, vous avez raison, il existe une image de Sparte telle que François Ollier a pu parler du mirage spartiate. C'est un mirage qui est fondé sur l'idée selon laquelle Sparte constituerait un modèle de cité à part et dont l'imitation serait presque impossible. Si hautes seraient les exigences des Spartiates, si considérables elles seraient. Et en fait, il existe aussi les moyens de faire une histoire qu'on pourrait dire positive de Sparte, parce qu'on possède des sources, alors des sources matérielles, mais aussi des sources textuelles. Alors, les sources textuelles sont peu nombreuses à l'époque archaïque, mais elles existent. On connaît des poèmes d'Alcman ou de Tirté qui étaient connus encore à l'époque classique, qui pouvaient être appris par cœur. Ils étaient connus même en dehors de Sparte, puisque, par exemple, l'orateur athénien Lycurgue, au IVe siècle, peut citer Tirté. Et donc, il existe des sources textuelles du VIIe siècle, et il existe qui sont d'origine spartiate. Il existe aussi des sources matérielles d'époque archaïque. L'époque archaïque englobe le 8e, le 7e, le 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est surtout à l'époque classique, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, que des auteurs ont pu écrire des textes qui sont parvenus jusqu'à nous. Et on doit citer ici Hérodote, Thucydide et Xénophon, qui sont les trois historiens de la Grèce classique qui ont pu s'intéresser le plus à Sparte et dont les textes aient été transmis jusqu'à nous. C'est surtout Xénophon qui est important parce que Xénophon n'a pas seulement pris la suite du récit de Thucydide. L'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide s'achève en 411 et la guerre avait commencé en 431, elle s'est achevée en 404. Xénophon prend la suite du récit dans ce qui s'appelle les Helléniques et il mène même son récit jusqu'en 362 avant Jésus-Christ. Mais Xénophon a aussi écrit un traité qui s'appelle la Lacédaimonion Politeia, la constitution des Lacédémoniens, la république des Lacédémoniens. Et c'est un traité dans lequel il s'intéresse beaucoup, notamment à l'éducation. Le début du traité porte sur l'éducation. Il s'intéresse à ce qu'il appelle des épithédemata, des usages des Spartiates, et il veut commencer par le commencement, c'est son expression. Donc, il parle de la technopoïa, c'est-à-dire la façon de faire, poïeine, des enfants, des technas, et il s'intéresse aux étapes de l'éducation. Eh bien, nous allons avec vous, Nicolas Richer, nous intéresser aux étapes de l'éducation à Sparte dans l'Antiquité, avec toujours cette mise en garde hein, de dire « nous parlons de Sparte dans l'Antiquité », mais vous l'avez bien rappelé, ce sont des siècles et des siècles, de l'époque archaïque à l'époque hellénistique ou romaine, c'est pas un tout. Mais dans cette histoire-là, il y a ce moment premier, il va falloir sélectionner les enfants. Quand le garçon est né, comme tout Spartiate, il fut examiné. S'il avait été petit, chétif, souffreteux ou difforme, il aurait été éliminé. Dès son plus jeune âge, il fut initié à la violence du combat. La caricature poussée peut-être à l'extrême dans ce film 301 Peplum de Zack Snyder en 2006. Nicolas Richer, qu'est-ce que cette histoire de sélection des nouveau-nés à Sparte ? Eh bien, Xavier Mauduit, ce que nous venons d'entendre renvoie très précisément au chapitre 16, paragraphe 1 de la vie de Lycurgue de Plutarque. Parce que tout à l'heure, j'évoquais des sources d'époque classique, mais on possède aussi, notamment, des textes de Plutarque, spécialement des indications dans la vie de Lycurgue. C'est un texte qui date des environs de 100 de notre ère. Plutarque est un auteur qui a lu les auteurs de l'époque classique que j'évoquais tout à l'heure, qui a pu aussi lire des auteurs dont les textes sont perdus et qui ont écrit à l'époque hellénistique. Lui-même, il écrit à l'époque de ce qu'on appelle la Grèce romaine, dans le cadre de l'Empire romain. Et il dispose donc de données précises et on doit a priori lui faire confiance. Alors, vient d'être évoqué l'eugénisme des Spartiates, c'est-à-dire la façon dont les Spartiates élimineraient les enfants mal conformés. Il est possible que cette pratique ait existé et en fait, dans le texte de Plutarque, on voit que les enfants que les anciens de la tribu rejetaient devaient être envoyés en un lieu appelé les apothètes. Alors, ce passage est remarquable parce qu'il montre que ce n'est pas le père seul qui décide de l'avenir de son enfant. C'est un groupe réuni en lesquai. La lesquai est un lieu de réunion. Et c'est un groupe d'anciens, de gens pleins d'expérience, et qui sont les anciens de la tribu. Les citoyens de Sparte sont divisés en trois tribus. Donc, c'est cette instance collective qui va prendre la responsabilité de ne pas assurer l'éducation d'un enfant. Et on dit parfois que l'enfant est précipité. En fait, quand on regarde le texte précis de Plutarque, on voit que, d'abord, le lieu s'appelle les apothètes, ce qui veut dire le dépôt, et cela renvoie à une pratique grecque qui est celle de l'exposition des enfants. Cette pratique est connue partout en Grèce, et elle est illustrée, par exemple, par le cas d'Édipe, qui est censé, dans son enfance, avoir été déposé dans le mont Citéron. Et un berger pris de pitié aurait pris cet enfant de telle sorte qu'il a pu grandir et mener la carrière que tout le monde connaît. Bon. Alors le lieu s'appelle les apothètes, ce qui renvoie au dépôt, et d'autre part, quand on regarde le texte précis de Plutarque, il dit que les apothètes se trouvent para to taigeton baratrodé. Topon. Donc, c'est un lieu baratrodès en forme de baratre qui est près du Tégète. Le Tégète, c'est la grande montagne qui sépare la Laconie et la Messénie, je l'évoquais. Il ne dit pas que c'est un baratron. Le baratron, c'est le gouffre où les Athéniens peuvent précipiter les criminels. C'est un lieu qui peut revêtir un caractère de baratre. Peut-être justement en raison de la finalité qui est la sienne, c'est le lieu de l'exposition. On ne tue pas le nouveau-né, de même qu'on n'exécute pas nécessairement un condamné à mort. On le précipite pour qu'il meure, bien entendu, et on dépose un nouveau-né pour qu'il meure de lui-même. Mais on ne prend pas la responsabilité de le tuer, ce qui serait un acte porteur de souillure. Et, comme je le disais, l'exposition des enfants, au détriment en particulier des filles, devait être assez couramment pratiquée en Grèce. Donc, c'est sans doute le caractère collectif de la décision qui est ce qu'il y a de plus original en la matière à Sparte. Un enfant considéré comme déformé, qui ne va pas donner un avenir radieux, est écarté avec ce fantasme de dire qu'il a été tué, qu'il a été précipité dans un groupe. Vous nous dites bien, Nicolas Richer, que ça, c'est sans doute une relecture. Et c'est vrai que dès qu'il est question de la Grèce antique et puis des sources, on aime beaucoup fantasmer absolument l'horreur, une pratique qui se répand, ce qui signifie malgré tout qu'il y a cette idée de sélection, la volonté du meilleur. Ah, tout à fait. Les Spartiates doivent agir pour le bien de leur cité. Et ils doivent être les meilleurs possibles, en effet. Et d'après les indications fournies de façon précise, assez précise par Xénophon, on voit que le système éducatif que Xénophon appelle la paideia, mais que souvent on appelle l'agogé, vise à former des jeunes gens qui seront aptes à la guerre. Le terme même d'agogé renvoie à une notion d'élevage. On conduit du bétail. Et il y a d'autres termes, d'ailleurs, en particulier à l'époque tardive, hellénistique ou romaine, qui renvoient à l'idée selon laquelle les enfants sont constitués une espèce de troupe, voire de troupeau, que l'on mène. C'est parce que l'éducation revêt un caractère largement collectif. À partir de 7 ans, âge où l'enfant est pris à sa famille et où il doit être éduqué dans un cadre collectif. Oui, on retrouve ça dans notre langue avec le mot élevé. On élève des enfants, ça se dit plus aujourd'hui. On les instruit, on les éduque. Et un personnage que vous avez cité plusieurs fois, Nicolas Richer, qui est Lycurgue. Et là, nous nous trouvons aux origines même presque mythiques de Sparte. Peut-on dire qu'un législateur comme Lycurgue met en place tout ce que vous avez évoqué, hein, c'est une cité ordonnée avec la volonté de sélectionner les meilleurs. Oui, alors Sparte a eu une histoire. Ce n'est pas du tout une cité figée. Et en fait, les Spartiates étaient parfaitement conscients de ce que leur cité avait ainsi évolué. Mais il demeure qu'ils auraient souhaité que leur cité ait un caractère exemplaire et que à cette exemplarité aurait pu être attachée la notion de fixité. Donc, Sparte a évolué. Plutarque, dans la vie de Lycurgue, dit que de Lycurgue, on ne peut rien dire qui soit certain. Parce que les données sont extrêmement variés. Tantôt, Lycurgue est rattaché à une famille royale, tantôt il est rattaché à l'autre, puisqu'il y a deux familles royales à Sparte. Les uns et les autres, les membres de ces deux familles sont censés descendre d'Héraclès. Et si on tient absolument à considérer que Lycurgue a pu avoir une réalité comme législateur à Sparte, on pourrait peut-être le placer au 8e siècle. Parce qu'à partir du 7e siècle, on connaît des noms de rois en particulier et des noms de personnages qui sont censés avoir agi et avoir réformé les institutions de Sparte. C'est au début du 7e siècle que se serait mis en place véritablement le pouvoir des éphores, que vous avez évoqué tout à l'heure. Les éphores, ce sont les surveillants, c'est ce que veut dire leur nom, ils sont cinq, et ce sont des magistrats qui, à l'époque classique, en sont venus à être les principaux détenteurs du pouvoir à Sparte. Où il est possible qu'au milieu du 6e siècle, il y ait eu un renforcement du pouvoir des éphores. Et il est considéré souvent par des savants modernes que c'est au moment où les institutions de la cité se mettent en place, donc mettons le 7e siècle, que l'éducation, sous la forme qui se trouve être décrite ensuite par Xénophon au 4e siècle, a pu aussi se mettre en place. Cela dit, l'éducation comprend aussi des éléments à caractère rituel qui ont été étudiés notamment par Henri Jeanmaire au début du XXe siècle. Et ces éléments à caractère rituel pourraient renvoyer à un passé plus haut, mais qu'on ne peut dater précisément. Henri Jeanmaire est avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, puisque nous nous intéressons à la Sparte Académie. Le corps des citoyens, qui seuls ont droit au nom de Spartiates, s'y confond avec l'armée. Plus exactement, avec l'élite de cette armée. Et cette élite est formée de soldats professionnels qui sont soumis, dès leur jeune âge, à un entraînement physique et moral intense qui se poursuivra tant qu'ils seront aptes au service. La subsistance de ces guerriers est assurée par les redevances en nature perçues sur le produit des domaines entre lesquels est répartie la presque totalité du territoire. Leur mise en culture est le fait des ilotes, dont la condition est analogue à celle des serfs de la glèbe de notre Moyen-Âge. L'historien Henri Jeanmaire, spécialiste de la religion dans l'Antiquité, qui s'exprimait dans l'émission Heure de culture française en 1955, Nicolas Richer, il parle des ilotes. Alors bien sûr, il faut les évoquer parce que à Sparte, il y a des citoyens, mais ça c'est comme dans les cités de la Grèce antique. Il ne faut pas réduire l'ensemble du corps social, enfin social si, aux citoyens, mais il n'y a pas que, il y a plein de monde autour, les ilotes notamment. Tout à fait. Alors, l'éducation vise à faire des fils de citoyens, de bons citoyens, qui seront de bons soldats. Mais il existe à Sparte d'autres que les politaï, d'autres que les citoyens, qui, entre eux, peuvent se considérer comme des homoioi. Ils sont censés être semblables les uns aux autres. En apparence, du moins, ils sont semblables, parce que leurs richesses peuvent sans doute être disparates. Et indépendamment des citoyens, il existe un groupe très divers d'hommes que Xénophon, dans les Héléniques, appelle les hypoméiones, c'est-à-dire les inférieurs. Ces inférieurs peuvent eux-mêmes se distinguer, se subdiviser en plusieurs catégories. Et il existe notamment des notoi, les notoi pouvant être des bâtards de citoyens spartiates. Il existe des motakes, qui peuvent être des fils d'hommes libres, peut-être de périèques et de femmes spartiates, on ne sait pas exactement, peut-être des fils d'étrangers. Il existe aussi des motones qui, eux, vraisemblablement, d'après les analyses de Jean Ducas, pourraient être des enfants d'Ilotes. Et qui pourraient, du fait de leur origine servile, être astreints à servir éventuellement de jeunes Spartiates et profiter peut-être, mais en utilisant les miettes de l'éducation spartiate, l'éducation qui est dispensée à leur jeune maître. Et de ce fait, ils pourraient peut-être notamment apprendre des chansons qui peuvent être celles des Spartiates. Et parmi toutes ces aventures dans la Grèce antique, il y a le chant à mettre tout de suite en place dans l'éducation, quelque chose que l'on ne peut pas écarter avec de la reconstitution de musique spartiate. Ames pokimes alkimi ne anie, ames de himes evelis avgas deo, ames de gesomes apollo caronet. Cœur spartiate, Petro Tabouris avec Nicolas Richer. L'idée que l'éducation telle que nous en parlons aujourd'hui dans le cours de l'histoire, cette éducation sévère, concerne les citoyens pour faire de bons soldats. Mais pas seulement, il faut rappeler, on n'est pas en guerre en continu. Non, on n'est pas en guerre de façon continue, mais on peut tout le temps penser au fait que on doit être capable de faire la guerre à tout moment. Et les chants permettent, parce que les hommes sont organisés en chœur, de créer aussi une certaine discipline. Il existe des chœurs, sans doute par classe d'âge, des jeunes gens, des hommes faits et des vieillards. Et c'est aussi en campagne que l'on pratique des chants, et ce sont notamment des chants de Tyrté que les Spartiates peuvent se remémorer, des chants qui sont parénétiques, c'est une poésie parénétique que celle de Tyrté, c'est-à-dire une poésie qui exhorte à bien combattre. Et c'est le soir, à la veillée, en campagne notamment, que on peut entonner des chants de Tyrté. Nicolas Richer, cette éducation, évidemment, n'est pas exactement la même selon l'âge. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'à l'âge de 7 ans, il se passe quelque chose dans la vie d'un jeune Spartiate. Alors comment ça se construit? Que se passe-t-il à 7 ans? Il est vraisemblable que jusqu'à l'âge de 7 ans, les jeunes Spartiates, les jeunes garçons Spartiates, restent dans leur famille. Et on ne sait pas exactement si on enregistre la date de naissance de chaque individu. Il est vraisemblable que les familles, en tout cas, savent très bien l'âge de chaque enfant, et on peut supposer qu'à un moment de l'année, et ce pourrait être éventuellement au Iakinti, à l'équinoxe de printemps, toutes les classes d'âge se trouvent rassemblés et qu'une nouvelle classe d'âge rentrant dans le système éducatif, la Paideia, puisse être constituée par les enfants qui ont 7 ans. Ensuite, tous les enfants vont rester groupés vraisemblablement en classe d'âge. Mais il est possible aussi qu'il y ait des exercices à l'occasion desquels des membres des différentes classes d'âge rentrent en interaction, en quelque sorte, les uns avec les autres. C'est une chose qui apparaît assez clairement quand on voit, par exemple, que l'Irène est le jeune homme qui est censé pouvoir mener une hyla, c'est-à-dire un groupe de certains de ses cadets. Oui, une vraie organisation. Mais dès l'âge de 7 ans, il se passe quelque chose dans la vie de l'enfant. Il est retiré à sa famille. En fait, ils vivent ensemble entre enfants. Ça va jusqu'à quel âge, cet épisode de la vie? Alors, l'éducation des Spartiates est particulièrement longue, parce que Xénophon distingue en fait trois étapes. Pendant un temps, les enfants sont des païdès, les garçons sont des païdès, sans doute jusque vers 14 ans. Puis, ils sont des païdiskoï, sans doute jusque vers 20-21 ans. Puis, ils sont des ébontès, jusqu'à 30 ans. Et donc, en fait, il est vraisemblable que les citoyens sont vraiment de plein exercice seulement à l'âge de 30 ans. Cette limite d'âge se trouve d'ailleurs aussi ailleurs, par exemple à Athènes, pour l'exercice de certaines fonctions. Mais c'est tout à fait... c'est un trait vraiment caractéristique de Sparte que la longueur du temps pendant lequel les citoyens sont sous l'autorité du pédonome. Le pédonome, c'est, dit Xénophon, l'un des principaux magistrats de Sparte, et c'est celui qui a en charge l'éducation des enfants. Et il s'occupe des païdès, des païdiskoï et des ébontès. Pédonome, pourquoi pas un pédagogue ? Il y a un mot français, pédagogue ? Oui, alors le pédagogue, c'est d'abord l'esclave, pédagogue. Étymologiquement, païs, c'est l'enfant, païdos au génitif. Agein veut dire conduire, d'où le nom même d'agogé, en fait. Et le pédagogue, c'est d'abord l'esclave qui mène l'enfant à l'école. C'est par dérivation que le mot pédagogue sert maintenant à désigner un enseignant. Le pédonome, lui, veille au respect de la norme, du nomos, par les païdès. Avec un héros que nous avons cité depuis le début, sans qui cette histoire ne serait rien, c'est évidemment Xénophon. Les autres Grecs, qui prétendent élever le mieux leurs fils, les placent sous la coupe de pédagogues qui sont des esclaves, et les envoient dans des écoles pour y apprendre les lettres, la musique et les travaux de la palestre. Ils amollissent les pieds des enfants par des chaussures, efféminent leur corps par des changements de vêtements. Ils mesurent la nourriture à la capacité de leur estomac. Mais à Sparte, Lycurgue a chargé un citoyen, qu'on revêt d'une des plus hautes magistratures, de gouverner les enfants, le pédonome. Il lui a donné tout pouvoir pour rassembler les enfants, les surveiller et, le cas échéant, punir sévèrement leur négligence. Il lui a adjoint des jeunes gens porteurs de fouets pour infliger les châtiments nécessaires. Aussi voit-on à Sparte beaucoup de respect, joint à beaucoup d'obéissance. Et quelques coups de fouet, bien sûr. C'est Jeanne Copet qui lisait cet extrait de La République des Lacédémoniens de Xénophon. Nicolas Richer, alors, éducation à la dure, dans la volonté de Xénophon de présenter l'éducation à Sparte, il y a aussi une idée de comparaison. On compare avec les autres cités grecques. Tout à fait. Dans La République des Lacédémoniens, Xénophon oppose le modèle proposé par Sparte à ce qui peut exister ailleurs en Grèce. Implicitement, ce peut être à ce qui peut exister à Athènes, mais il mentionne aussi ce qui se passe en Béotie ou en Élide. Et à l'instant, il vient d'être question des porteurs de fouet, ce sont les mastigophoroi, qui doivent faire partie du groupe des ébontès que j'évoquais tout à l'heure, donc des jeunes gens qui ont entre 20, 21 et 30 ans, et qui sont donc choisis par le pédonome pour assurer la discipline. Une discipline qui s'exerce sans que l'on hésite à recourir à des châtiments corporels, au maniement du fouet, le fouet ayant été d'usage assez ordinaire en Occident, et jusque dans les années 1970, je crois que nos voisins d'outre-Manche ne répugnaient pas du tout à l'utiliser pour inspirer l'esprit de discipline à leur jeunesse. Alors, dans le texte qu'on vient d'entendre, il est question aussi du respect et de l'obéissance. Le respect, c'est la retenue, en grec, c'est aidos. Et Xénophon dit ailleurs, dans le banquet, que aidos est une divinité à Sparte. Et c'est une divinité, une abstraction en fait d'état physique, puisqu'elle inspire la retenue, le comportement plein de retenue des hommes, qui peut aussi s'appuyer sur une autre abstraction qui est connexe, qui est phobos. Phobos étant la peur et ayant son sanctuaire à côté de l'éphoréion, c'est-à-dire du local des efforts. La peur elle-même a une double vocation, c'est la peur qui met en fuite les ennemis et c'est la peur qui inspire aussi la discipline aux citoyens, l'obéissance. Et précisément, dans le texte qu'on vient d'entendre, il y a aussi question de cette obéissance de Peito, qui doit aussi être pleinement inspiratrice du comportement des Spartiates. Discipline, rigueur, obéissance à Sparte. Mais Nicolas Richer, j'imagine que c'est partout pareil dans les cités grecques. Qu'a Sparte de particulier? Parce que l'usage du fouet, j'imagine qu'à Athènes, il était aussi présent au moment d'éduquer un enfant. Oui, mais peut-être n'était-il pas aussi fréquemment utilisé à l'encontre de fils d'hommes libres, car sans doute auraient-ce été des esclaves qui l'auraient manié, et là, non, ce n'est pas le cas. Ce sont des fils de citoyens qui fouettent d'autres fils de citoyens. Donc le système n'est sans doute pas exactement le même en la matière. C'est très important de le souligner, ça, parce que dans nos conceptions de l'organisation sociale, cette idée de citoyen, de non-citoyen, a pu être perdu, mais l'idée qu'un citoyen puisse fouetter un autre citoyen un peu plus jeune, c'est quelque chose de très fort avec, dans cette éducation spartiate, certaines étapes, on vient d'évoquer pour les plus jeunes, 7-15 ans à peu près. Ensuite, alors je ne sais pas comment on les appelle, vous nous avez donné le nom. Les Paidiskoi. C'est 15-20 ans. Qu'est-ce qui leur arrive à cet âge-là? Alors, les Spartiates ont une éducation qui couvre plusieurs domaines. Et leur éducation n'est pas seulement physique. C'est aussi une éducation intellectuelle. Plutarque, dans la vie de Lycurgue, dit qu'ils apprennent à lire et à écrire. Leur étude des lettres, dit-il, se bornait au strict nécessaire. Grammata men un eneca tes creas emantanon. Quelle acréa? Quel nécessaire? Et cela, ce texte permet beaucoup d'interprétations parce que est-ce que c'est vraiment minimaliste? Ils savent difficilement déchiffrer, ou bien est-ce qu'ils ont une maîtrise des lettres telle qu'ils sont capables de lire des documents aisément? Et il est assez vraisemblable que les Spartiates disposent d'une capacité de lecture suffisante pour pouvoir assurer tous, potentiellement ils peuvent être amenés à les exercer, les fonctions d'effort. Un effort, c'est un magistrat, je le disais tout à l'heure, et les efforts ont notamment à assurer la gestion des effectifs de l'armée, des rôles, des registres de l'armée. Ils décident quelle classe d'âge doit partir en campagne à tel moment. Et il est nécessaire pour gérer ainsi les effectifs, que les efforts, qui peuvent être n'importe quel citoyen, puissent lire. Donc, la capacité à lire est vraisemblablement très largement répandue parmi les citoyens. Et elle vient en complément de ce qu'on évoquait tout à l'heure, la connaissance de chants, de textes. Ces textes ne sont pas seulement des textes produits par des Spartiates, mais ce peuvent être aussi des textes que tous les Grecs connaissent, qu'il s'agisse de textes d'Homère ou de textes d'Hésiode. Et d'autre part, les Spartiates, indépendamment de leurs études que l'on pourrait dire littéraires, doivent aussi exercer effectivement leur corps de façon à pouvoir assurer leur devoir de combattant le mieux possible. Voilà, parce que c'est cela qui est au cœur de cette réflexion, c'est le devoir de combattant. Et puis, il y a ce lien social extrêmement fort, ces enfants retirés de leur famille, qui vivent ensemble, des plus âgés, qui s'occupent des plus petits, bon, c'est un coup de fouet bien sûr, mais ils s'en occupent. Le lien social se tisse à travers cette éducation spartiate. Parfaitement. Alors le lien social se tisse, comme vous dites, entre citoyens par les épreuves subies en commun, l'expérience aussi que les jeunes gens peuvent avoir des conversations de leurs aînés, parce qu'ils peuvent assister aux banquets, aux sicitia ou aux filiti ou aux sifiditi, selon les mots qu'on veut employer, et ils entendent donc les conversations, ils comprennent ce que sont les valeurs que respectent leurs aînés, les jugements sur les hommes et sur des citoyens sont formulés en fonction de critères que tous partagent, et donc les jeunes Spartiates sont imprégnés progressivement de ces valeurs qui sont celles des citoyens. D'autre part, les liens entre citoyens peuvent aussi se fonder sur des considérations qui relèvent de l'affection. Et Xénophon mentionne très clairement le rôle de d'Eros, de l'amour à Sparte. Alors ce qu'il dit en la matière mérite d'être signalé parce que il évoque les amours enfantines, les amours pour les enfants plutôt de la part des aînés, mais il distingue très clairement entre ce que seraient, d'après lui, les pratiques des Spartiates et ce que ce sont, dit-il, les pratiques des Béotiens et des Éléens. Les Béotiens, les Éléens, les Thébains en particulier, et on peut penser à Pélopidas au IVe siècle et à ces pères d'amants qui vont au combat et qui meurent ensemble. Les pratiques, les Béotiens et les Éléens pratiquent l'amour homosexuel, mais un amour homosexuel qui relève de la pédérastie, en ce sens qu'un aîné forme un cadet. Il existe un éraste, qui est l'amant actif, qui s'attache à un éromène, qui est l'amant passif. Or, quand il décrit le système existant à Sparte, Xénophon insiste sur le fait que Lycurgue avait établi comme parfaitement honteux à Ischiston, le fait de s'attacher au corps, au soma d'un jeune homme, et que l'aîné devait simplement veiller à instiller dans l'esprit du cadet auquel il s'intéressait des valeurs de dévouement à la cité, et aussi lui instiller le goût de l'effort et par conséquent la capacité à maîtriser son propre corps, à faire preuve d'enkrateia, de pouvoir sur lui-même, kratos, de pouvoir sur lui-même, pour servir au mieux. Le goût de l'effort, c'est vous qui l'avez fait, hein, Nicolas Richet, c'est votre thèse sur les efforts, cette étude sur l'histoire et l'image de Sparte. Et puis, bien sûr, il y a vos travaux Sparte, cité des arts, des armes, et des lois, comme quoi il n'y a pas simplement les armes. Vous êtes historien de la Grèce antique, professeur des universités à l'École normale supérieure de Lyon. Et je vous propose de faire un petit tour dans une cité grecque, oui, bien sûr, pour retrouver le Spartiate Spirit. C'est pas Sparte, non, c'est Massalia, cité grecque fondée par les Phocéens. Nous sommes des hommes libres, debout, et nos faits d'armes resteront dans les mémoires. Sur nous, même le temps s'effrite. Spartiate Spirit. Tu vois ce qu'il sur la grille de départ, c'est nous. Fiers, passionnés, prêts à tout, sauf plier les genoux. Six mecs anodins, vaillants paladins. Six tueurs furtifs à l'esprit vif comme Manhattan. Unir nos compétences, c'était croiser nos destins. De cette alliance naquit une arme dont les mots sont les plus craints. Entre mortelles tirades et sanglantes ritournelles, nos vers ont survolé le globe, le rasant de leurs ailes. Nés d'une cité réputée pour ne pas fermer sa gueule. Marseillais, ouais c'est vrai, beaucoup trop d'orgueil. Volontaires, décidés, prêts à dessiner nos destinées. Et fuir le sort de ces troupes décimées. Et le temps a filé, nous pris dans ses filets. Ballottés entre drames perso et cris de nouveau-nés. Entre furieux assauts et repos du guerrier. En plein cœur d'une bataille, un jour l'un de nous s'est écroulé. Qu'il en soit ainsi, rien n'est éternel. La félonie guette au détour de chaque ruelle. toujours en alerte. Les cinq sens en éveil. Trop de blessures, fallait bien qu'un jour la bête se réveille. Sous le feu du soleil, ou les pluies torrentielles. Soumis à lui, mais notre quête, elle n'attend rien du ciel. Nos convictions nous poussent, la technique fait le reste. Je ne sais pourquoi le bruit du frac à des phrases nous appelle. C'est notre bushido, entre sourire et larmes. Servir la vie ultime jusqu'à ce que la mort nous désarme. À repousser sans cesse la charge de haineux déchaînés. Tu nous trouveras toujours là droit au bout de ce défilé. Spartiate Spirit. Toujours là, ouais. Ouais. Toujours là. Spartiate Spirit. Toujours là. Toujours là. Tu le sais. Sur nous-mêmes, le temps s'effrite. Spartiate Spirit. Ayam, Spartiate Spirit dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Anna Holweg avec aujourd'hui à la technique Antoine Tropé. Nous sommes à la Sparte Academy avec, ici nous entendons Spartiate Spirit qui nous conduit à Marseille aujourd'hui, Nicolas Richer. C'est intéressant de voir que bah, pour certains, Sparte va être rencontré à travers une chanson d'Ayam, mais avec... Mais c'est quoi cette image de Sparte aussi sévère, aussi rude? C'est le produit de l'éducation? C'est une lecture non pas erronée, mais légèrement exagérée de Xénophon et Plutarque, où on a poussé la sévérité à l'extrême? Ou est-ce que ça reflète une réalité? Rien n'est éternel, était-il dit à l'instant. C'est bien sans que celui qui proférait ces mots ne s'en doutât, je pense. Il renvoyait ainsi à des propos prêtés par Thucydide à Périclès, selon lesquels tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Et Périclès disait cela à propos de l'Empire athénien, dont il n'a pas vu la fin, qui avait été bâti à partir de 477 et qui a disparu effectivement en 404. Mais cela, Thucydide le savait sans doute quand il écrivait. Peut-être Ayam aussi, peut-être. Non, mais cette éducation spartiate, Nicolas Richer, nous conduit jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, éducation sur un temps très long. Une fois passé cet âge de l'enfance, cet âge qui suit hein, de 15 à 20 ans, arrive l'âge où, ça y est, on est un jeune homme, presque un adulte. Enfin, on est un adulte, on a 20 ans. C'est 20, 30 ans. C'est quoi maintenant? Il y a la discipline, il y a la rigueur, il y a le maniement des armes, la maîtrise de la lecture, du chant aussi, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour parachever cette éducation? Alors, quand on est ébaune, on a effectivement entre 20 et 30 ans, mais on doit aussi tâcher d'être choisi pour faire partie des 300. Les 300, ce sont les 300 hippeis, les 300 cavaliers, mais à l'époque classique, ils sont devenus des fantassins. C'est sans doute à l'époque archaïque qu'ils avaient été des cavaliers. Et ce sont les membres de la garde royale. Et c'est comme il y a 300 hippeis, on peut imaginer qu'il y a 100 hippeis par tribu, puisqu'il y a trois tribus. Or, tous les jeunes gens ne sont pas hippeis. Et une compétition existe parmi les ébontes, c'est sans doute une compétition annuelle, telle que ceux qui sont choisis pour être hippeis se heurtent quotidiennement, semble-t-il, à la jalousie de ceux qui n'ont pas été choisis. Mais c'est une jalousie qui s'exprime par des coups. Et Xénophon le dit, en fait, quand ils se rencontrent dans la rue, ils se battent à coups de poing. De telle sorte que n'importe qui peut s'entremettre et les empêcher de continuer à se battre, car on ne souhaite pas non plus que les Spartiates s'entretuent. Et donc, ils sont sommés d'accepter ce rappel au calme. D'autre part, c'est aussi cette tranche d'âge qui doit être concernée par une pratique qui s'appelle la cryptie. Ah, expliquez-nous, parce que c'est sidérant cette histoire-là. C'est Koh-Lanta, mais dans la Grèce antique. Alors la cryptie n'est pas mentionnée par Xénophon. La cryptie est mentionnée par Platon, qui, comme Xénophon, a été disciple de Socrate, l'un et l'autre ont vécu au début du IVe siècle, ils sont tous les deux d'origine athénienne. Donc, Platon mentionne la cryptie, et Plutarque aussi, dans la vie de Lycurgue. On a un magnifique texte qui donne des indications là-dessus. Vous voulez l'entendre ? Peut-être pouvons-nous l'entendre. Le plaisir d'avoir cette épreuve, mais quelle épreuve qui va permettre de sélectionner les meilleurs parmi les meilleurs ? C'est Jeanne Coppet qui nous le lit, avec Plutarque bien sûr. Voici en quoi consistait la cryptie. Les chefs des jeunes gens envoyaient de temps à autre dans la campagne, tantôt ici, tantôt là, ceux qui passaient pour être les plus intelligents, sans leur laisser emporter autre chose que des poignards et les vivres nécessaires. Pendant le jour, ces jeunes gens, dispersés dans des endroits couverts, s'y tenaient cachés et se reposaient. La nuit venue, ils descendaient sur les routes et égorgeaient ceux des ilotes qu'ils pouvaient surprendre. Souvent aussi, ils se rendaient dans les champs et tuaient les plus forts et les meilleurs. Ah oui, c'est vraiment la sélection poussée à l'extrême, Nicolas Richer. Tout à fait. Alors, on ne sait pas comment étaient sélectionnés ceux qu'on appelle les cryptoïs, les cryptes. Le mot crypte, en français ordinaire, désigne un espace caché sous une église, mais sous le cœur d'une église. Mais la cryptie est une période durant laquelle des jeunes gens, on ne sait pas combien de temps dure cette période, si elle dure un an, si elle dure une saison. Platon dit le caractère hivernal de la cryptie. C'est une période donc, durant laquelle des jeunes gens vont en dehors de Sparte, dans la campagne, une campagne qui peut être assez giboyeuse, où ils peuvent donc trouver à se nourrir, en chassant éventuellement. Et surtout, ils doivent vivre sur le pays, qui n'est pas un pays a priori hostile, puisque c'est le leur, et ils doivent aussi se cacher. Ils ne doivent pas se faire voir, mais leur rôle n'est pas nul, parce que ils doivent servir la cité, alors même qu'ils s'adonnent à cet exercice de la cryptie. Ils servent la cité en éliminant vraisemblablement les ilotes qui paraissent les plus menaçants pour l'ordre social. Ceux qui sont trop forts, ceux qui sans doute paraissent avoir des ambitions démesurées. Et tout à l'heure, j'évoquais la question de la souillure, et je disais que les nouveau-nés n'étaient pas exécutés parce que l'on voulait éviter de se souiller. Eh bien, il est précisé par Plutarque que chaque année, les efforts déclarent la guerre aux ilotes, et ici, Plutarque cite sans doute Aristote, de façon que quand un spartiate tue un ilote, eh bien, il ne se souille pas, puisque cette exécution d'un ilote se déroulerait dans un cadre de guerre. Et donc, les jeunes gens, à l'issue de la cryptie, après qu'ils ont tué un ou plusieurs ilotes, doivent réintégrer Sparte. Alors, il est possible, sans doute, puisque ce sont des gens qui ont été choisis du fait de leur qualité, qu'ils aient été pris parmi les Ebontes, qui eux-mêmes déjà avaient été choisis du fait de leur qualité pour faire partie de la garde royale. Et donc, après la cryptie, ils peuvent redevenir, sans doute, Ebontes. Il est vraisemblable que les anciens cryptes ont un statut particulier parmi les Spartiates. Avec cette épreuve, je l'appelle comme ça, ce rite initiatif, la cryptie, on a un contraste sidérant, hein, parce que là, d'un seul coup, le jeune homme se trouve tout nu en pleine nature, à se débrouiller tout seul, quitte à aller assassiner, alors que l'image que renvoie l'éducation spartiate, c'est construire une société où tout le monde est solidaire. Alors, la cryptie peut être considérée comme un rituel d'inversion, effectivement, en ce sens que les Spartiates ont vocation à servir comme hoplites lourdement armés, équipés de casques, de boucliers, de cuirasses, et pour ce qui est de cnémides, de jambières, et pour ce qui est de leurs armes offensives aussi, de lances, d'épées courtes d'ailleurs. Et les cryptes sont dépourvues, pour autant qu'on sache, et d'après ce que disent les textes, d'armes défensives. Ils ont simplement un enkeiridion, un poignard, qui leur sert à éliminer les ilotes. Et ces jeunes gens agissent la nuit et ils doivent être dispersés. Alors que, une fois qu'ils serviront comme hoplites dans l'armée, ils serviront en groupe, en phalange, et ils serviront deux jours dans un espace dégagé, puisque tacitement, les phalanges grecques se heurtent dans des espaces qui sont propices à leur manœuvre. Et par conséquent, les façons d'agir des cryptes contrastent tout à fait avec celles qu'ils devront respecter plus tard comme phalangites. Ah, c'est formidable de voir ce contraste qui s'inscrit ici dans ce moment très particulier. Mais là, nous sommes au bout du bout du bout de l'éducation à Sparte. France Culture, le cours de l'histoire. Nous sommes des Spartiates ! Xavier Mauduit. Oui, nous sommes vraiment à Sparte. Nicolas Richer, pour terminer cette émission, j'aimerais que vous me parliez de renard, s'il vous plaît. De ? D'un renard. D'un renard. Ah. On s'attend pas à avoir un renard dans cette histoire-là. Oui, oui, bien sûr. Un rejeton d'Alopex. Alopex, c'est le renard. Effectivement, le renard qui est mentionné par Plutarque, car je pense que c'est à lui spécialement que vous pensez, c'est un renard qui est en fait le moyen d'une épreuve. Et peut-être que nous pourrions, là aussi, écouter le texte. Alors, si vous voulez, nous écoutons le texte et nous allons voir ce renard surgir dans cette histoire spartiate. Les enfants qui volent se préoccupent tellement de n'être pas pris que l'un d'eux, qui avait dérobé un renard d'eau et le tenait caché sous son manteau, laissa, dit-on, la bête lui déchirer le ventre avec ses griffes et ses dents. Et pour n'être pas découvert, soutint la douleur jusqu'à en mourir. Et cela n'a rien d'incroyable, puisqu'aujourd'hui encore, nous avons vu beaucoup des Phèbes expirer sous les coups devant l'autel d'Ortia. Mais il a son renard sur lui, pour pas dire qu'il a un renard caché, il laisse le renard lui dévorer les entrailles plus tard que la vie de Lycurgue. Alors, c'est un texte écrit vers 100 de notre ère et qui s'inscrit dans une évolution, puisqu'à l'époque où écrit Plutarque, les procédures d'éducation ont dû, en fait, se durcir au cours du temps. Et cela explique pourquoi des éphèbes peuvent mourir sous les coups devant l'autel d'Ortia lors d'un rituel qui, sans doute, n'avait pas de telles issues au moment où Xénophon a pu décrire ce rituel. Le renard qui déchire les entrailles d'un jeune homme a une valeur un peu allégorique, parce que le jeune homme, l'enfant, doit apprendre à vaincre la faim. Or, là, il doit dénoncer lui-même en montrant qu'il a pratiqué un vol. Or, il doit aussi, le jeune homme, certes voler pour compléter son ordinaire, mais il doit aussi ne pas être pris. Donc là, il est en quelque sorte bloqué par deux impératifs. Soit il se dénonce et il montre qu'il est un mauvais voleur, soit il ne se dénonce pas parce que il veut surmonter sa faim, mais l'animal, dont la consommation, car il s'agit sans doute de manger le renard, lui permettrait de satisfaire sa faim, va, parce qu'il est encore vivant, lui déchiqueter le ventre. Et c'est en fait une illustration de l'extrême difficulté de l'éducation spartiate. Et c'est pour ça, sans doute, que cette image a remporté un tel succès et qu'elle est si souvent connue et si souvent évoquée quand on renvoie à l'éducation à Sparte. Nicolas Richer, juste pour terminer, quand Plutarque écrit « Nous sommes beaucoup plus loin dans un autre monde » ou « Xénophon, c'est plus proche, mais c'est ailleurs, c'est depuis Athènes », décrit cette éducation-là, il y a aussi la volonté de s'adresser à ses lecteurs, hein, c'est de dire aux Romains pour Plutarque, regardez, les Spartiates, ça rigolait pas. Oui, et c'est Polybe qui, au IIe siècle, d'ailleurs, établit un rapport, une analogie entre Sparte et Rome. Et donc, les Romains peuvent effectivement s'intéresser aux Spartiates. Et nous aussi, grâce à vous, merci vivement d'avoir éclairé l'éducation spartiate au-delà de la caricature qui en est faite. Et pour aller plus loin, déjà, il y a Sparte, cité des arts, des armes et des lois, que vous avez publié chez Perrin, et votre atlas de la Grèce classique, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, l'âge d'or d'une civilisation fondatrice, c'est chez Autrement. Merci beaucoup, Nicolas Richer. Merci. Notre éducation se fait maintenant avec Gérard Noiriel, puisqu'il est l'heure du pourquoi du comment. Pourquoi prétendre que les déesses grecques n'étaient pas des femmes? Dans l'une de ses nombreuses études sur la Grèce antique, l'historienne Nicole Laureau a répondu à la question « Qu'est-ce qu'une déesse ?» en affirmant qu'il fallait partir de l'idée qu'une déesse n'était pas une femme. C'était une façon de se démarquer des analyses simplistes de ses collègues qui voyaient dans chaque déesse l'incarnation d'un aspect ou d'un type féminin. Déméter étant la mère, Héra l'épouse, Aphrodite la prostituée, etc. Les différences entre le féminin humain et le féminin divin apparaissent déjà clairement au niveau du langage. Pour exprimer le divin au féminin, le grec ancien utilisait la forme féminine « théa », mais aussi le masculin « théos », parfois précédé de l'article « féminin ». Comme l'avait déjà montré Jean-Pierre Vernant, les dieux grecs n'étaient pas des personnes, mais surtout des puissances. En tant que tels, ils ou elles pouvaient se manifester sous une pluralité de formes et au moyen d'une multitude de signes, sans pour autant s'identifier complètement à ces formes et à ces signes. Les dieux prenaient ainsi des apparences diverses, qui échappaient aux classements et aux catégories. Même chez Aphrodite, qui est pourtant considérée comme la plus féminine parmi les déesses grecques, le statut de Théos l'emporte sur le féminin. Il est vrai que le panthéon grec était soumis à une autorité souveraine qui s'exprimait au masculin dans la figure de Zeus. Toutefois, dans les panthéons locaux, la fonction de divinité tutélaire revenait à des déesses comme Athéna, Héra ou Artémis, plus souvent qu'à Zeus. Dans la mythologie grecque, les déesses, tout comme les dieux, vont à la guerre et surtout, elles participent au même titre que leurs homologues masculins à la vie politique de l'Olympe. L'exemple le plus significatif est sans doute celui de la déesse Athéna, qui, au fil de l'Odyssée, par exemple, prend fréquemment des apparences masculines. Au chant 3, Athéna côtoie Télémaque sous l'apparence de mentor et voyage avec lui jusqu'à Pylos sans que ni le fils d'Ulysse ni le vieux Nestor ne se doutent de son identité divine. Au chant 13 du même poème, Athéna enveloppe Ulysse dans un brouillard et se présente à lui sous la forme d'un jeune pâtre en lui cachant son identité. Ces exemples montrent bien les limites des analyses présupposant une distinction claire et nette au sein des divinités du Panthéon entre les hommes et les femmes. Voilà pourquoi, plutôt que de partir à la recherche d'une identité féminine spécifique à travers les âges, comme le fait encore une partie de l'historiographie féministe, de nouvelles études nous invitent à privilégier une approche en termes de genre, centrée sur les relations entre le féminin et le masculin. Dans cette perspective, ce sont les couples ou les pères constitués par un dieu et une déesse, comme Athéna et Arès ou Athéna et Poséidon, qui retiennent l'attention. Cette démarche relationnelle montre que, dans la mythologie grecque, les puissances divines disposaient non seulement du privilège de l'immortalité et de la jeunesse éternelle, mais aussi de la possibilité de mélanger et de réarticuler le masculin et le féminin. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Toute la semaine, nous nous intéressons l'occasion de la rentrée des classes. Encadrer la jeunesse, une histoire, alors faisons l'appel. Jeanne Copet présente, Jeanne Delecroix présente, Anne Toscan-Doudès présente, évidemment Raphaël Laloum également, et Maïwenn Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et merci à la discothèque de Radio France, le cours de l'histoire, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.